cours de droit s'achève quand enfin 18h résonne. Blanche rassemble ses notes et quitte sans bruit la Sorbonne. Ce soir elle retrouve des vieux amis dans un café, ce qu'elle aime à revoir depuis la fin de leur lycée. Il fait doux aujourd'hui, Paris fleure bon l'insouciance. Le confort et la paix bercent les gens et leur conscience. Mais soudain c'est l'enfer, le ciel se déchire, le bruit gronde. Et la mort se ramène avec un air de fin du monde. Venus avec leurs armes et l'envie de tuer, des combattants d'Allah et de notre société. Ils ont tiré sur le pays qui les avait nourris, accueillis en son sein par les traîtres à notre patrie. Blanche s'est abritée derrière une table renversée. Elle n'en croit pas ses yeux, ne parvient pas même à pleurer. Il n'y a pas deux minutes, elle s'est émerveillée de la vie. Et voilà maintenant que c'est la guerre en plein Paris. Son cœur est horrifié par ses corps gisant par dizaines. En elle l'incompréhension, le dispute à la haine. Le sang de ses amis coule lentement sur le trottoir, pendant qu'à quelque part retentit un Allahu Akbar. C'est un hasard bien regrettable. Il ne faut pas sombrer dans un racisme détestable. Mais en vérité, les loups sont bien dans la bergerie. Les migrants par milliers déferlent sur notre pays. Quand condamnera-t-on ceux qui ont ouvert nos frontières, faisant de nos boulevards les allées noires d'un cimetière ?